love in the man. Man call it Dixon Zulu DJ Bombastic. Man call Sumbil Awadi Supandan and International. Yo, yeah. Nanga dem sama wa yo yo. Yeah. Aikelo. J'attaque le big sound, number one dans les charts. Pour les idées, j'suis dans le temps. Le beat est là, ça déménage, on le sent. Tout le monde écoute, kiffe, c'est un tube, je le sens. Mais quoi que dire, c'est la fête au village. Causer des vacances, belle fille à la plage. Donc trouver une idée, un truc qui déménage. Son pour tous les âges, et même le troisième âge. Un truc qui va faire qu'on nous passe à la radio. Tu peux nous voir dans la vidéo. Son original qui nous met official. J'attaque le son, j'attaque le big sound. Erickson, le Zulu, bombastique dans la place. Ça va des sumbil. Made in Sénégal pour toutes les capitales. Abidjan, à la def. Yeah, on va vous montrer qui a mis l'eau dans le coco.